Douces gens, un peu de silence. Soyez recueillis en présence de Dieu comme dans la prière, car vous connaîtrez par mystère ici la très sainte souffrance de ce martyr adolescent qui puise à jamais sa jouvence dans la fontaine de son sang. Par les clous, l'éponge et la lance, très humblement nous vous prions. Béni soit-il qui se taira et devant lui regardera sans faire noise ni tension. Entendez, douces gens, les sons qui meuvent dans vos cœurs le rêve avant que le voile se lève sur ce rouge amour infini. Andronique, il chante leur hymne. Il loue le roi supplicié. Il haït ta faiblesse. Étouffe le chant dans leur gorge. Il se joue de toi, somnolent. Il méprise l'édit du très saint empereur et leurs dents ne sont pas brisées. Il loue la charogne au gibet. Gilles Andronique, éveille-toi! Par les dieux obscurs! Tu aimes ces gémeaux qui n'ont pas d'étoiles, Gilles Andronique! Tu les aimes! Tu les aimes! Tu les ménages! Ils passent par tous les supplices! Sébastien, ami d'Auguste, sois témoin! Qu'ils sacrifient ou bien qu'ils meurent! Qu'est-ce qu'on attend des prodiges? Qui va venir? Qu'ils sacrifient ou qu'ils périssent! Ne devraient-ils donc pas marcher pieds nus sur la braise? Il est temps! Il est temps! Les charbons s'éteignent! Soufflez! Soufflez! Silence! Silence! Silence! Je vais sévir! Appariteurs, resserrez leurs liens. Je veux que l'un après l'autre, on les hausse. Qu'on les suspende aux deux colonnes. Que leurs pieds joints n'aient plus d'appui. Leurs pieds sont joints comme les pieds des anges. Quelle est cette voix? Qui a parlé? Qui a crié? Il y a des chrétiens ici! Qu'on cherche! Silence! Bourreau, apprêtez les ongles de fer pour leur labourer la poitrine. Non, attendez. Ils sont tout pâles et j'ai pitié de leur jeunesse. Je veux dissiper leur démence. Ils vont fléchir. Il a pitié! Il a pitié! Et jusqu'à quand? Oh, Andronique, auras-tu pitié? Jusqu'à quand? Es-tu Galiléen? Oh, vite! Oui, vite! Interroge, Andronique! Sacrifie! Silence! Jeune homme, celui de vous deux qui est moins forcené, jeune homme, veux-tu obéir aux préceptes divins? Es-tu prêt à offrir une victime et à manger la viande immolée, à boire le vin des libations, comme l'ordonne le maître immortel? Réponds au juge. Non, juge. Par le Dieu vivant, non. Je ne veux pas obéir. Mais je prie de toute mon âme, afin que par toute ma chair, lacérée, mutilée, broyée, je devienne un seul sacrifice au Dieu vivant. Tu délires! Mais réponds-tu en ton nom, au nom de ton frère? Vous êtes deux. Nous sommes un. Tu vois? Nous sommes un visage, un chant, un amour. Sacrifie, pense à ta jeunesse, à tes longs jours. Je pense à mon éternité. Sacrifie, sacrifie, jeune homme, si tu veux vivre. Je ne veux que mourir en Dieu. Je cherche celui qui pour nous est mort. Et je cherche celui qui pour nous est ressuscité. Eh bien, je te ferai mourir. N'attends pas la mort par le glaive, la bonne mort. La pire sera la meilleure pour plaire à Dieu. Oh, mon égal, écoute-moi. Tu es imberbe, tes cheveux sont bouclés, tes muscles sont fiers. À la lutte, dans la palestre, tu m'as vaincu. Tu es le fils de l'égorgeur? T'ai-je renversé dans l'arène? Mais je suis l'athlète du Christ. C'est maintenant que je combats le bon combat. Écoute, il est doux d'être né. Il est doux de voir la lumière, d'attendre les soleils nouveaux. On va te crever les deux yeux, tes yeux si grands. Mon âme en a mille, semblable à l'aile osselée du chérub, pour regarder sans battement la forge de tous les soleils. Tu es aveugle. Vous n'avez donc pas de sœur douce qui tisse avec des fils de pourpre vos vêtements? Non, nous n'avons pas de sœur douce qui tisse avec des fils de pourpre nos vêtements. Vous n'avez pas de père triste qui chancelle sous les douleurs et les années? Nous n'avons pas de père. Seuls nous sommes. Seuls, tout seuls, avec un seul amour. Mais celle qui, pour chaque goutte de lait qu'elle vous donna, verse trois larmes lourdes. Nous n'avons pas de mère. Seuls nous sommes. Seuls. Tout seul, avec un seul amour. Sébastien, tu perds du sang. Entends-moi, entends-moi, ô maître. La corne de la coche perce la paume de ta main. Comment ne sentais-tu pas la blessure? Quel est ton songe? Seigneur, tu t'es blessé? Tu souffres? Ton arc t'a percé, ton arc même. Femme, femme, donnez-les-là. Femme, n'avez-vous pas de baume? Chef à la belle chevelure, tes archers t'aiment. Tes archers t'aiment. Tu es beau. Tu es beau. Archer, laissez couler mon sang, il faut qu'il coule. Pas de lin, femme, pas de baume, laissez couler mon sang. On ne respire plus ici, on étouffe. On étouffe. Où sont les magiciens qui opèrent ces prestiges? On renouvelle les sortilèges du sorcier aux trois clous. Andronique, ordonne que tous ici, l'un après l'autre, passent devant l'autel et jettent l'encens au feu des sacrifices. Il y a des chrétiens partout ici, tu pourras les compter. Archer, archer, brandez vos arcs. Et faites un carnage! L'œil des esclaves est chaud de meurtre! Et cette odeur de lys! Fauchez les herbes! La mère! La mère, c'est elle! Il vient la cour! Écartez-vous! Mes fils! Mes fils! Mes fils chéris! Enfant! Enfant de mes entrailles, vous êtes sain, vous êtes sauf encore. Il n'y a pas de sang sur vous. J'entends le battement de vos cœurs. On n'a pas encore meurtri vos chairs, brisé vos os. Que je vous touche, que je sente la vie de ma vie. Mais je n'ai que deux mains faibles, et vous êtes l'un de l'autre distant. Je n'ai que deux pauvres bras qui ne peuvent pas vous ravoir dans une même étreinte. Oh, vous qui avez bu au même sein. Femme, laisse-moi recevoir la vraie vie. Ne viens pas corrompre ma volonté d'être à Dieu. Femme, détache tes mains de mon corps. Je veux renaître. Oh, cruel. Et c'est toi. C'est toi. On peut entendre ces paroles sans expirer. Qui comblera la mesure de la douleur? Et qui comblera la mesure des larmes? Ta souffrance est mienne. En moi, comme si tu étais encore avec ton frère un nœud palpitant dans la profondeur de mon espoir. Je suis ta mère. Ta mère. Je te porte encore. Oh, Christ, je souffre pour ton nom, mais tu l'as dit. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Seigneur Christ, je suis ton disciple, je suis ton hostie, je suis prêt, exauce-moi. Mes fils, oh mes fils, on vous trompe, on vous affole, on vous abreuve de je ne sais quel noir breuvage. Qui vous a tendu le calice dans les ténèbres? Mon frère, je tremble. Hélas, j'ai peur. Oh, Christ, je te loue. Sauve-moi. Garde mon âme, Christ, Seigneur, que je ne sois pas confondu. Exauce-moi. Oh, Marcellien, tu es doux. Tu étais la sœur de tes sœurs. Enfant, enfant, tu reviendras. Mère douce, aie pitié. C'est Dieu que je perds si je perds ce combat. Je veux être à Dieu. Je veux mourir. Honte sur nous. Honte sur nous. Ton père, regarde. C'est toi qui le courbe. Toi qui l'écrase. Tu l'as ployé vers le sépulcre. Et il aura ses funérailles. Son linceul, ses baumes, sa tombe. Il aura son repos. Là où même le jeu des vents est mort, autour des morts, sans nom ni nombre. Mais vous, sans sépulture, vous errerez sur le rivage du fleuve noir, dans l'éternelle nuit, à jamais. Frère, je crains. Dieu m'abandonne. Je ne vois plus ta face. Oh, Christ! Mes fils, voilà vos sœurs. Vos saints sœurs chéries, les saints doigts de la main qui porte la rose, et vos égaux, et les offrandes pour les dieux saints. Par les bandelettes qui serrent nous saints, par l'or qui nous ceint, les lins qui nous vêtent, gémeaux, Gémeaux, faites l'offrande au Dieu saint par les bandelettes qui serrent nos seins. Voici l'huile prête, le lait et le vin et le jonc marin pour cindre vos têtes et les bandelettes. Chrysile, Télisile, sœur douce, Junie, Flavie, mes sœurs, on ne peut pas nous délier, on ne peut pas. Ô jeunes hommes inculpés, Marc et Marcellien, Gémeaux de Théodote, voulez-vous enfin obéir au Clément Empereur? Réponds, Marc, réponds, Marcellien. Voulez-vous donc sacrifier aux dieux de Rome, aux 12 dieux grands de l'Empire et à l'effigie de César? Greffier, écrit. Athlète du Christ, répondez. Répondez la parole forte. Dardez la réponse de fer. Je vous adjure, par le sang qui dégoûte de cette paume, percée comme la paume sainte contre la barre de la croix, Dieu vous entend. Jamais je confesse le Christ. Jamais je confesse le Christ. Jamais, jamais. Avez-vous entendu? Tout est souillé, foulé. Sébastien, Sébastien, quel démence, quelle rage s'empare aussi de toi. Le chef des Sagittaires, l'ami d'Auguste, est infidèle à son maître. Regardez-le, il est debout dans le délit. Lui, l'ami d'Auguste, il exhorte les coupables à mépriser l'édit. Fléchissez déjà, les jeunes gens. Il les enivre par la vue de son sang, voyez. Oui, regardez, il a percé sa main gauche par artifice. Et il a invoqué la croix, avez-vous entendu? J'entends, moi, claquer les fouets des bestiaires. Au lion! Au lion! Non, ce n'est pas vrai. Il est hors de lui-même. Il porte un maléfice. N'avez-vous pas vu se rapprocher de lui soudain cette femme étrangère et tremper le nain dans la plaie? Il porte un maléfice occulte. On l'étouffe! Oh, chef! Chef cruel, tu nous as trahis! Tu nous as trahis pour cet Asiatique mort au gibet! Oh, maudit! Maudit, tu m'arraches mes fils malheureux, mes enfants égarés! Tu me les arraches! Qui es-tu? Qui es-tu, si jeune et si terrible? Mal, avec ce beau visage de furie? Je suis l'esclave de l'amour. Je suis le maître de la mort. Je te connais, femme. Tu es marquée du sceau mystérieux. Tu auras un jour ton martyre, ta couronne et ton allégresse. Il te regarde. Qui me regarde? Tu m'effraies. Le frisson me traverse toute comme une épée. Il t'a choisi déjà. Tu trembles. Tu es élue. Tu m'effraies. Non, je ne veux pas. Que fais-tu de moi? Que fais-tu de mon âme? Oh, mes fils, vous me voyez, quelqu'un m'entraîne. C'est lui, car du haut ciel il fond et saisit comme l'aigle foudroyant. Il saisit, soulève, emporte dans les battements de sa grandeur. Où est-il? Où est-il? J'ai peur. Mes fils, m'avez-vous appelé? Dois-je venir? J'entends des cris, les cris de l'aigle. Il vous saisit, il vous soulève, il vous emporte. Faut-il venir? Faut-il mourir? Me voici prêt. Oh, mère, mère! Tu as proféré la parole, femme. Il a parlé par tes lèvres. Martyr, avez-vous entendu? Le ciel rayonne. Oh, mère! Mère, qu'as-tu dit? Qui s'empare de toi? Oh, mère! Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Mais Dieu, où êtes-vous? Mère! Mère douce, rentrons, rentrons. Tu les retrouveras près de la porte. Et vous les abandonnerez là, eux aussi? Voyez, voyez les yeux de vos frères. Voyez les grands ouverts qui nous regardent. Est-ce que je leur avais fait des yeux si grands? Femme, tu ne rentreras pas dans ta maison. Est-ce que je leur avais fait des yeux si grands? Tu ne franchiras pas ce soir ton seuil de pierre. Ah, si grand que toute l'horreur en sort et tout le ciel y entre. Voyez, voyez. Jamais plus tu ne reverras les lards derrière ta porte, tu le savais. C'est vrai, je le savais. Je n'ai plus tourné la clepsydre. J'ai pris dans l'âtre une poignée de cendres et je l'ai répandue sur mes cheveux. Salut, foyer. Et vous, filles infortunées, qui étiez pareilles aux doigts de la main qui porte la rose, Vous serez les saints doigts béants de la main qui laisse l'empreinte ineffaçable sur le mur fidèle, afin qu'on se souvienne du meurtre. Adieu. Non, Où vas-tu? Où vas-tu? Que feras-tu? Mère, reviens. Reviens avec nous au foyer. Rien ne pourra nous séparer de toi dans le nombre des jours. Je t'en fais serment. Et moi aussi. Toujours nous resterons nubiles pour l'amour de toi, mère douce. Toujours. Je me dévoue. Je me dévoue. Je me dévoue. Je me dévoue.